Toujours à la même occasion, la délégation des Coréens au Japon arrivait le 15 courant à Pyongyang sous la conduite d'Oh Hyun-jin, conseiller permanent à l'Institut de l'Histoire des Coréens au Japon, a déposé un bouquet de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu avant de leur rendre hommage.